Chapitre 2e. Or, au terme d'octobre de cette année-là, le pavillon de l'angle du jardin devint vacant par la mort du vieux commis en retraite qui l'occupait depuis 5 ans. Des mois se passèrent sans qu'il trouvât d'amateur. Plusieurs personnes vinrent le visiter. Aux uns, il parut triste, d'autres redoutèrent son humilité. Quelques-uns se moquèrent même de sa ridicule exiguïté. « Nous aurons de la peine à le louer, mon bon chéri, » disait Madame Roger, chaque fois que son mari revenait avec son trousseau de clés d'une visite inutile. Monsieur Roger hochait la tête et répondait « Je le crains, ma bonne amie. » Une fois même, on agita la question de le réparer. Peut-être qu'en l'excavant, on corrigerait cette apparence humide qui effrayait surtout les gens. En vain, Monsieur Roger citait l'exemple du précédent locataire qu'il avait habité pendant 5 ans sans y contracter de rhumatisme. On lui répondait toujours « Il n'y a pas de cab ». Cet argument sans réplique le paralysait. « On pourrait en faire une », hasarda-t-il une fois. Et il y songea sérieusement. Mais Madame Roger redoutait les ouvriers, le bruit qu'ils font, la poussière de la chaux, les détritus, les déblayages, le massacre probable de son jardin. Elle combattit donc l'idée de son mari qui d'ailleurs n'insista pas et conclut « Si nous ne le louons pas, nous ne le louerons pas, voilà tout ». Comme elle lisait un léger regret dans ses yeux, elle ajouta « Ce n'est pas une affaire ». Il répéta avec un soupir « C'est vrai, ce n'est pas une affaire ». En réalité, il souffrait de voir ses logements inoccupés, non pour la petite somme qu'il perdait, mais par amour propre de propriétaire. « Une maison sans habitants, disait-il volontiers, c'est un corps sans âme. Cela éveille des idées de mort. » Et la tristesse du pavillon, avec ses volets gris fermés et l'eau qui, par les jours de pluie, pleurait de ses gouttières, l'emplissait de mélancolie. Un jour de printemps, une femme entre deux âges, en deuil, qui tenait par la main une jolie petite fille de 4 à 5 ans, vint demander à visiter le pavillon. Le concierge fit appeler Monsieur Roger, qui se prépara, comme d'habitude, à descendre avec son trousseau de clés et son boniment accoutumé, tandis que sa femme allait se poster derrière les volets mi-clos pour observer. « Encore un dérangement inutile, » dit-elle comme il ouvrait la porte. Il se retourna pour répondre. « Qui sait ?» Elle vit saluer l'étrangère et remarqua, non sans un peu d'étonnement, qu'il tapotait les joues de la petite fille. Un moment après, il rentrait tout joyeux. « Le pavillon est loué, » dit-il. Elle s'écria. « Pas possible. » Il expliqua d'une haleine. « Oui, c'est fait. Nous signons le bail demain, un bail de 3 ans. Par exemple, c'est 100 francs de moins que M. Châtel. » Elle haussa les épaules. « Qu'importe, il est loué. Il ne sera plus vide, c'est l'essentiel. C'est à cette dame ? Oui. Qui est-ce ? Une veuve. Elle s'appelle Madame Audry. Elle n'a qu'un enfant, la jolie petite fille qui l'accompagnait. Et ses références ? Elle m'a indiqué 2 personnes que j'irai voir cet après-midi. » Et plus vite, d'un ton pressé, « Tu peux être tranquille, je ne signerai pas le bail sans savoir à qui j'ai affaire. » J'espère bien, il ne faudrait pas voir là quelque aventurière. Madame Roger avait une peur extrême de ce qui n'est pas correct, régulier, irréprochable, et se méfiait toujours un peu des femmes seules. Elle ajouta, « Tâche de savoir qui était son mari, ce qu'elle fait, s'il a des parents, ou un peu de fortune. » Plus tard, quand elle chercha dans sa mémoire les moindres détails relatifs à Madame Audry, elle crut se rappeler que son mari avait détourné les yeux en répondant « Je tâcherai ». L'après-midi, M. Roger sortit, comme il l'avait annoncé, en embrassant sa femme sur le front comme d'habitude. Il revint, au bout de 2 heures à peine, avec les meilleurs renseignements. M. Audry, mort l'année auparavant, était comptable dans une maison de banque fort estimée de ses chefs. Sa veuve possédait quelques rentes, qu'arrondissait un beau-frère riche établi aux colonies. C'est une personne très recommandable à tous égards. Tout à fait comme il faut. Lyonnaise, de bonne famille, de bonne éducation, en qui l'on pouvait avoir pleine confiance. Il faut croire que nous avons de la chance, dit Madame Roger après avoir écouté ces détails, récités par son mari comme une leçon bien apprise. Le bail fut signé le lendemain et 2 jours après, Madame Audry emménagea. De sa fenêtre, derrière son contrevent, Madame Roger vit décharger le petit mobilier, simple et de bon goût, dont elle put examiner chaque pièce. Un joli salon Louis XV, clair, pimpant, une salle à manger en noyer ciré, une chambre à coucher en palissandre, tout cela menu, comme calculé pour l'étroitesse du logis, et presque neuf, très soigné, éveillant l'idée d'emplettes récentes. Habituée à raisonner sur ce qu'elle voyait, et à remonter des effets aux causes, Madame Roger conclut que le ménagerie avait renouvelé son mobilier peu de temps avant la mort du chef de la petite famille, au moment peut-être où l'on sortait des années les plus difficiles pour entrer dans une période meilleure. Et elle éprouva comme un mouvement de pitié attendrie pour sa nouvelle locataire. Ce mouvement fut d'autant plus vif que la jeune veuve avait vraiment une figure très sympathique, dans ses vêtements noirs qui seyaient à son teint de blonde, à son profil pur et calme, à son air doux, triste, résigné, cet air que prennent peu à peu les êtres qui ont vu de près la souffrance ou ceux dont la vie a été battue par beaucoup de hasard, et qui en conservent une continuelle inquiétude, la crainte constante d'un malheur possible. Elle communiqua ses réflexions et ses suppositions à son mari, qui se contenta de répondre d'un ton distrait. « Oui, peut-être, on ne sait pas. » « La pauvre femme, » dit-elle ensuite, « elle est seule avec ses déménageurs. Peut-être a-t-elle besoin de quelque chose, si j'allais lui offrir notre aide. »« Si tu veux, » répondit M. Roger avec un certain empressement et un peu étonné, car c'était la première fois que sa femme marquait tant d'intérêt à de nouveaux arrivants. De sa démarche lente de personne gênée par l'embonpoint, Madame Roger traversa le jardin. Elle discuta un instant avec sa locataire sur le seuil du pavillon, au milieu des caisses, et revint seule à petits pas. « Madame Audry n'a rien voulu accepter, » dit-elle à son mari. « Par discrétion, je pense. Sais-tu qu'elle est tout à fait bien, cette jeune femme? Elle a l'air si triste, et une voix charmante, très douce, un peu cassée, comme si elle avait beaucoup pleuré. » Monsieur Roger murmura. « Oui, c'est vrai, elle est très bien. » Elle voulait dire encore quelque chose, mais hésitait, par crainte d'effleurer le point douloureux de leur vie. À la fin, la poussée intérieure qui l'incitait à parler fut plus forte. Elle ajouta « Et sa petite fille ?» Elle interrogea du regard son mari, crut remarquer qu'il souriait à demi, comme s'il avait eu la même pensée sans oser s'y arrêter, et continua. Un ange, joli comme un cœur, avec ses cheveux en boucle et sa figure de beau bébé rose, et l'air si sage. Vraiment, je crois que nous avons eu de la chance avec ses locataires. Monsieur Roger, les yeux dans le vague, répondait d'un ton distrait. Oui, sans doute. Il vaut toujours mieux avoir chez soi des gens convenables. Et la conversation s'arrêta, le sujet étant, pour l'heure, épuisé. Les jours suivants, Madame Audry s'installa. Elle ne prit pas de bonne. Elle se contenta d'une femme de ménage, recommandée par le concierge, qui venait le matin et partait à l'heure du déjeuner. Une grosse femme gaie, bruyante et bon enfant, dont les passages en coup de vent mettaient une animation autour des petits pavillons. Ce fut un thème à nouveau commentaire. Suivant son habitude, Madame Roger observa le détail et en tira ses conclusions. « Pas de bonne, » dit-elle à son mari, « et une femme de ménage qui ne reste pas seulement pour servir le repas. Elle ne doit pas avoir beaucoup de fortune. Peut-être que la rente du beau-frère qui est aux colonies n'arrive pas régulièrement. La pauvre femme. Heureusement qu'elle est chez des gens qui ne la tourmenteront pas au moment du terme. Et quand on pense que si son mari avait vécu, » Elle laissa sa phrase en suspens, comme s'il eût été trop long d'énumérer tout ce qui aurait pu se produire sans la mort. Monsieur Roger ne répondant pas, il devenait de plus en plus silencieux avec l'âge. Il laissait souvent tomber sans les relever les observations de sa femme. Elle reprit. D'ailleurs, une femme seule a si peu de besoins. Plus tard, c'est vrai, il y aura l'éducation de la petite fille. Mais plus tard, est-ce qu'on sait? Elle est encore assez jeune, assez jolie pour se remarier. Peut-être qu'elle aimait beaucoup son mari, c'est vrai. Mais le temps console, n'est-ce pas? Oh oui, fit M. Roger, il n'y a pas de douleur éternelle. C'est bien préférable qu'il en soit ainsi. Sans cela, pour combien d'êtres la vie serait affreuse? Tout s'oublie, il n'y a que les premiers moments qui soient terribles. Madame Roger rêva un instant sur ses généralités et reprit de sa voix pitoyée. Comme elle a dû souffrir, la pauvre créature. Et certainement, elle n'a pas encore oublié. Elle n'est pas encore consolée. Je voudrais savoir quelque chose de plus sur elle. » Souvent, Madame Roger se plaisait à observer ainsi ses locataires. Il distrayait son désœuvrement, lui fournissait des sujets de conversation, faisait tourner son imagination dans le cercle peu compliqué où elle aimait à se mouvoir. Mais cette fois, elle y mettait de l'intérêt, de la sympathie, un peu de son âme indolente et bienveillante. Monsieur Roger s'étonna de son insistance, ou s'en inquiéta, craignant sans doute, dans son égoïsme d'homme, qu'un excès de pitié ne vint troubler le cours réglé de leur existence. « Je crois, dit-il, qu'il vaut mieux ne pas trop s'occuper d'elle. C'est plus discret. Quand on est dans sa situation, on craint les regards des autres. » Madame Roger secoua la tête. « Moi, il me semble plutôt que la sympathie fait toujours du bien. et chaque jour elle entretenait son mari des faits et gestes des nouveaux locataires. Madame Audry est sortie aujourd'hui, seule, toute l'après-midi. Justine était venue pour garder l'enfant. Elles ont joué dans le jardin. Monsieur Rouget, qui était sorti lui-même, demanda « Est-ce que cette Justine n'est pas bien bruyante ?»« Mais non, je t'assure, elle rit un peu fort, voilà tout. » Une autre fois, Madame Audry s'est égayée aujourd'hui en courant dans le jardin avec sa fille. Elle était toute rose. « À propos, la petite s'appelle Claire. Tu ne savais pas? C'est un nom gentil qui me plaît beaucoup. » Ou bien « Figure-toi que sa mère lui donne déjà des leçons de piano. Je l'ai entendu jouer. Ah, vous dirais-je, maman. N'est-ce pas tout à fait extraordinaire ? Madame Audry, d'ailleurs, joue très bien. Elle a vraiment du talent. » Ou encore « Justine a dit à la concierge que Madame Audry était si bonne, si bonne. » Monsieur Roger l'écoutait, mais sans aucun effort pour soutenir la conversation. Évidemment, les locataires du petit pavillon ne l'intéressaient guère plus que les autres, et il eût préféré que sa femme s'occupât moins d'eux. Une nuit, un violent coup de sonnette éveilla les deux époux. Monsieur Roger, effaré, bondit hors de son lit, enfila son pantalon et courut à la porte, tandis que sa femme, dressée sur son séant et remplie d'effroi, s'écriait « Qu'y a-t-il ? Mon Dieu, qu'est-ce que cela peut être ?» Sans ouvrir, Monsieur Roger demanda « Qui est là ?» Une voix tremblante répondit « C'est moi, Madame Audry. Je vous demande bien pardon. » Monsieur Roger voulut ouvrir, mais il ne trouva pas tout de suite la serrure et il demanda d'un ton d'indicible angoisse « Qu'est-ce qu'il y a, Claire ?» La voix trembla plus fort. « Oui, Claire est malade, très malade. » La porte s'ouvrit enfin et Madame Audry, à peine vêtue, échevelée, continua. « C'est peut-être le croup. Il faudrait un médecin. Moi, je ne peux pas la laisser seule. Voudriez-vous prier votre bonne ? J'irai moi-même, » dit Monsieur Roger. Il s'habilla à la hâte, sans rien dire, si ému qu'on entendait trembler les objets qu'il touchait. Presque malade de la peur qu'elle venait d'avoir, sa femme se mouvait lentement avec des soupirs et des exclamations. « Je m'habille aussi, » dit-elle. « Je vais voir ce qu'il y a. La mère est toute seule. »« Tu as raison, » répondit Monsieur Roger. « Tu es bonne. C'est dans des cas pareils qu'il faut savoir s'entraider. » Et il partit en grande hâte, sans son par-dessus, par la nuit fraîche. Le médecin, qu'il ne tarda pas à ramener, le rassura tout de suite. Ce n'était que le faux croup. Il n'y avait aucun danger. L'accès passerait aussi vite qu'il était venu. Pourtant, les Rogers restèrent longtemps encore au chevet de la petite malade, qui se calma peu à peu et dont la toux rauque se tut. Madame Audry, dans l'attendrissement joyeux qui suit les craintes écartées, les remercia avec effusion. Mais, tandis qu'elle avait remercié très simplement M. Roger de sa course rapide, comme si un tel service n'eût rien eu que d'ordinaire, elle avait des larmes dans les yeux en serrant les mains de Madame Roger, à qui elle répétait, d'un accent vibrant de reconnaissance et presque d'admiration, « Oh, que vous êtes bonne, que vous êtes bonne. Pourquoi êtes-vous si bonne ?» Madame Roger se laissait faire, bien qu'un peu étonnée. Jamais elle n'avait pensé qu'elle fût meilleure que beaucoup d'autres. Et qu'avait-elle fait pour mériter de tels éloges ? Son mari, lui, s'était dérangé pour courir dans la nuit par le froid. Elle avait seulement traversé le jardin pour apporter à l'étrangère l'appui de son inutile pitié. Quelques paroles vaines, un effarement qui peut-être rendait plus hésitant et plus maladroit ses premiers soins. Qu'est-ce qui dans tout cela méritait de telles louanges ? La pitié devant la douleur est un sentiment naturel, presque égoïste, que chacun éprouve à l'occasion, car chacun sent, de la même manière que les malheurs du prochain sont un peu les siens. Menace commune, dont les plus indifférents comprennent parfois le sens redoutable. Elle n'est bonne, utile, elle ne mérite l'éloge que lorsqu'elle est active, que lorsqu'elle aide, et pour la première fois peut-être, Madame Roger se reprocha sa passivité, et s'en voulut de n'avoir trouvé que des larmes, pendant que la mère, dont les mains tremblaient d'épouvante, préparait des synapismes. Pourtant, rentrée chez elle, elle s'attendrit de nouveau, elle pleura encore. « Oui, cette enfant, répétait-elle, qu'elle est délicieuse. Elle avait l'air d'une sainte quand elle s'est endormie. Oui, d'une toute petite madone, et je pensais, si elle ne se réveillait pas. Mon Dieu, te représentes-tu cela, cette pauvre femme qui n'a plus qu'à le monde et qui l'aime tant ?»« Heureusement que c'était une fausse alerte, » dit M. Roger. Madame Roger secoua la tête. « Oui, » fit-elle, « heureusement. Mais c'est égal, vois-tu, elle est trop parfaite pour vivre longtemps, cette petite. J'ai peur pour elle. » Longtemps encore, ils continuèrent à causer ainsi de choses tristes, ramenées à leurs préoccupations d'autrefois, que réveillait depuis quelque temps la présence de Claire. Ils se dirent que les enfants sont une source de tourments continuels, qu'on les aime trop, qu'on souffre beaucoup par eux, et pour eux, et que tout calculé, ceux qui n'en ont pas ne sont point trop à plaindre. Leur vie est plus égoïste, c'est vrai, mais aussi plus tranquille, car les peines qu'ils ignorent, si elles sont chères, sont infiniment douloureuses. Puis ils en vinrent à parler d'eux-mêmes. L'idée de la mort, qui venait de les frôler, les hanta. Quand on n'a pas d'enfant, dit Madame Roger, on est plus intime, on a plus besoin l'un de l'autre. Pourtant, il faudra bien que l'un de nous parte le premier. Tais-toi, lui dit son mari. Il s'écria, des larmes dans la voix. Oh, si nous pouvions mourir ensemble! Il se tenait contre lui, rajeuni, redevenu enfant, une enfant épeurée, qui cherche un refuge, un appui. Lui semblait heureux de l'offrir. Jamais il n'avait mieux senti la force du lien qui les unissait, de ce lien robuste, tissé jour à jour par la vie commune, par les événements qui nous portent ensemble vers le même but incertain, par les soucis ou les deuils, ou la joie qu'on partage. « On est heureux de vieillir ensemble, » dit-elle. Puis revenant à son idée avec un léger frisson. « Je sais bien que je ne pourrais pas vivre sans toi. Nous ne sommes qu'un, n'est-ce pas? Où donc une femme peut-elle trouver la force de supporter une telle douleur ?»« Elle la supporte pourtant, » dit M. Roger. « Tu penses à Madame Audry, sans doute. Mais elle a sa fille, elle. Vois-tu, il faut que nous devenions très vieux. Nous ne serons plus que deux ombres, deux petites flammes vacillantes. Le coup de vent qui soufflera l'un emportera l'autre en même temps. Je ne veux pas rester seul, je ne veux pas.